Des clopes, non de Joel. Tu veux du tabac? Ouais, heureusement que j'étais en fin de... Ouais, vas-y, fini. Martin, César Assassin. Merde, je l'ai mis où? Mais ça, c'est impossible. Tu peux me dire ce qui s'est passé? Ben écoute, on était... on a réussi, sans dire le procédé, à rentrer dans la salle où se tenait la conférence de la pensée libérale européenne. Et le but était de saboter le plus ostensiblement et avec le plus de joie possible. Mais on a eu très peu de temps parce que, à partir du moment où on a passé le rideau, et qu'on est rentré, qu'on a commencé à crier quelques slogans en anglais, très vite, un certain nombre de services de sécurité, de citoyens libéral flics nous ont sauté dessus. Et là, on s'est fait mettre à l'extérieur. Et à ce moment-là, il y a quelques personnes d'entre nous qui ont été violemment pris au cou, aux cheveux, qui sont probablement les personnes qui sont pour l'instant en poursuite judiciaire. Donc, ouais. Ce qu'on connaît, c'est les personnes qui ont subi et qui ont été agressées par la police qui sont en poursuite judiciaire. Donc voilà, on a été mis dehors directement. Ceux qui étaient à derrière, donc on a essayé de courir à un moment donné. On a été très vite arrêtés, menottés, mis sur le sol. Et dans la fuite, il y a un d'entre nous qui a été vraiment violemment pris. Et le flic qui le prenait est tombé. Et donc la personne qu'il tenait dans ses bras est tombée sur lui. Et lui a dit, et il a été il a été constaté des coups et blessures à l'hôpital. En fait, il a presque rien. Et ça, sur base. Il a pu travailler, monter les escaliers, voilà. Tout soi-disant. Il s'est fêlé la jambe, mais on l'a vraiment vu. On l'a vu travailler, passer tous les escaliers, passer devant nous et tout. Donc, en fait, ils ont tous constaté leurs coups et blessures. Ils s'en prenaient à quelqu'un. Pas, alors qu'ils ont été hyper violents, quoi. Mais non. Mais le problème, c'est que les personnes qui ont eu des choses sont en arrestation judiciaire. Non, moi aussi. Personne, dès que les moindres choses que vous avez, on ne peut pas les porter plainte. Mais moi, il y en a une qui s'est reçue. C'est quoi les motifs de ces arrestations? C'est coup et blessure à l'agent. Il y a un deuxième truc. Ah non. Parce qu'ils nous ont vraiment injuriés. Parce que ce qu'il faut voir, c'est est-ce que c'est ce qu'ils mettent dans les dossiers pour pouvoir foutre les boules? Parce que c'est vrai, il y a des avocats qui ont téléphoné. Ce qui nous a été dit, c'est qu'il y a un policier qui a une jambe cassée. Et ça, c'est pas vrai. Il a vaguement une foulure de je sais pas où. Moi, je l'ai vu marcher et j'aurais pas su dire quelle jambe il y avait un problème, quoi. Et bon, eux, ils ont vraiment, dans leur violence, ils ont vraiment pris des risques en même temps, tu vois. Je veux dire, ils se mesuraient plus et tout. Enfin, moi-même, il y en a un qui m'a attrapé par les cheveux, il m'a tiré par terre et tout. Et clairement, il aurait pu faire vachement mal, tu vois. Donc, eux, ils prennent vraiment des risques, tellement qu'ils sont dans la furie, quoi. Donc, j'ai trouvé qu'ils étaient très nerveux aujourd'hui. Ce qui avait l'air d'en sortir, bon, moi j'étais pas, c'est à travers différents témoignages, c'est qu'il y en avait un particulièrement qui était visé, c'était Yuri. Ah ouais, ouais. Direct. Tous sur Yuri, quoi. Direct. En gros, ils lui ont dit, oui, toi, à la manif Bush, t'as janté un cocktail Molotov, on te connaît. Oui, il avait 16 ans, quoi. Ah non, Yuri, clairement, ils ont fait... Lui, on savait que depuis le début, on savait qu'il allait pas sortir, quoi. Même, je l'ai vu passer après son interrogatoire, j'osais même pas le regarder tellement qu'il avait l'air mal, quoi. Alors que, enfin, je sais pas, apparemment, ils m'ont déchiré ses sous-vêtements ou un truc dans le genre... Lui, il a été interrogé, tu vois, on a des interrogatoires. Nous, on n'a pas été interrogé. Hein. Moi, j'ai pas été interrogé. D'abord, priorité, ceux qui ont été libérés. Bah, on est tous... ça va? Je rigole. Non, mais ça va, on est administratif comme il y a du judiciaire. Et Daphné, elle a été libérée. Il y a Jérôme. Ça va. Jérôme. Ah putain, on était en tôle et on sait plus. Mettez 6. Il y a. Mettez 6, il y a Laurent. Toi, moi, Jérôme. Les deux frères, je sais pas comment ils s'appellent. Antoine et Quentin, c'est ça. Je vais chercher ça. Hey, ciao, ouais. Comment ça va? Ça va? Ça va, moi ça va. Mais ça va, tu as encore un... J'ai le droit d'être seule tous les jours ici pour te libérer, pour dire à la police quoi. Est-ce qu'il y a eu des coups ici au commissariat? De ce que nous on sait pas, mais... Je pense que les personnes qui sont judiciaires sont seules et on ne sait pas ce qui est arrivé pour eux. Hein. Mais je sais pas. Et quoi, on vous a pas brutalisé? Parce qu'il paraît qu'on a brutalisé mais Yuri, quoi. À l'arrestation, il y a des personnes qui ont vraiment été maltraitées. Il y a un des arrêtés qui s'est reçu une claque parce qu'il ressemblait à Yuri. Ouais. Lui, il a pris un coup, ouais. Ça on a entendu. Moi, un gars dans la cellule, il était à côté, il a vu... En fait, là, c'était une des flics qui disait, ouais, c'est le... Le gars avec ses dreads, Et puis il demandait, c'est le blond, non c'est pas le blond, t'es sûr que c'est pas le blond. Et puis c'est le gars avec son truc rayé, il lui a donné un coup. Quoi. Voilà, voilà, c'est la cellule. Libéré ! Non ! Camarade ! Libéré ! Non ! Camarade ! Libéré ! Non ! Camarade, libéré, non, camarade. Tu sais, s'il y a eu des trucs sur ses mains, ou quoi?